Donald Fass. L'intérieur de ce monde se meurt dans sa cellule. Car la peinture est bien barreau entre quatre murs de béton. Enfermé à jamais au nom de liberté. Tu peux gémir, tu peux hurler, ils veulent te faire crever. Mais quel crime as-tu commis pour être ainsi emprisonné? Celui que tu as renié, l'uniforme que tu portais. Enfermé à jamais au nom de liberté. Tu peux gémir, tu peux hurler, ils veulent te faire crever. Libérez Rudolf Hess! Libérez Rudolf Hess! Libérez Rudolf Hess! Libérez Rudolf Hess!